Nismi pralé, mwen pralé, mwen pralé, ou ga mpoule. Si nou pa malé, encore, ou kepe pe ansine. Nismi pralé, mwen pralé, ou ga mpoule. Si nou pa malé, encore, ou kepe pe ansine. Ou atire kodi yo, ou edlo ane pie ou. Si ou le la pe a koubi, te pare ke la patou. Ou di waj te kouve, tout sa ki pou fouve. Si nous t'en encore,